Les nuits de France Culture, la nuit spéciale Héros et lecture d'enfance, cette deuxième nuit spéciale se poursuit après Dominique Petitfaux, avec lequel nous avons évoqué la reprise de Corto Maltese chez Casterman, et après Philippe Graton, qui nous a présenté la suite des exploits de Michel Vaillant chez Dupuis. Voici au micro un scénariste heureux, enfin du moins je l'espère, en tout cas qui nous rend heureux de retrouver un vieil ami. Alors ce scénariste, lui, il loge chez Dargo, son éditeur historique. En tout cas, c'est l'éditeur historique de notre vieil ami. Et le vieil ami, c'est Achille Talon. Vous, le scénariste, c'est bien Fab Caro. Bonsoir Fab Caro. Bonsoir Philippe Garbi. Alors, est-ce que vous vous sentez capable, avec le même bagou, avec la même logorée, parfois même d'Achille Talon, de présenter ce personnage qui n'est pas mort? La preuve, c'est qu'il se poursuit. Il a une vie très bavarde et très aventureuse et très drôle, Achille Talon. Mais Greg, son créateur, est mort. Vous avez le même bagou qu'Achille Talon ? Oh non, je suis un petit peu même l'anti-talon pour le coup. Je suis plus dans l'écrit que dans l'oral. Achille Talon, il a quoi ? Il a 50 ans maintenant, c'est ça ? Je crois qu'on a fêté les 50 ans il y a 2 ans. Mm-hmm. Moi, j'ai découvert ça dans ma prime enfance. Je devais avoir 9-10 ans. Alors, c'est très verbeux. Je ne sais pas pourquoi j'ai accroché à ce personnage à 9-10 ans, parce que c'est quand même très bavard et très écrit et et avec un langage un petit peu suranné. Mais j'ai très vite été assez fan. Et donc le personnage, je crois que tout le monde connaît, cette espèce de bourgeois un petit peu décalé, voilà, très bavard, très... Bah, bourgeois, il est un peu tout, hein. Il est progressiste aussi, il est casanier, il est aventurier, aventureux, il a quand même beaucoup de... Il est varié. Oui, bah, il est très paradoxal, mais ne serait-ce que pour les besoins des aventures, faire évoluer un petit peu les aventures, c'est vrai qu'il a plusieurs facettes, oui. Oui, c'est vrai qu'il peut être très très pantouflard, voilà, avec son bouquin, son livre de Pascal devant la cheminée, puis à côté de ça, partir à l'autre bout du monde pour aller délivrer ses parents de l'autre côté de la planète. Ou virgule de guillemets. Alors, les auditeurs qui étrangement ne connaîtraient pas Achille Talon, faut leur dire que c'est un monsieur, donc vous l'avez dit, d'une cinquantaine d'années, mais après tout, il peut en avoir 30, parce que ses parents ne paraissent pas avoir 70 ans. Enfin bref, il a l'âge des héros de bande dessinée, quoi. C'est un voisin, c'est un érudit. Il est un petit peu snob quand même. Il a un très gros nez, il a un gros ventre. Son papa à lui lui ressemble, Alambic Coridon Dieudonné ou Dieudonné Coridon. Il a une mère, donc c'est un héros qui a une famille, ce qui n'est pas le cas de tous les héros de bande dessinée. Et il a été créé par Greg. Et vous, donc Fab Caro, vous avez repris et avec bonheur ce personnage. C'est déjà le deuxième album. Voilà, c'est ça. En fait, c'est Dargo. J'avais déjà travaillé pour Dargo sur une précédente série qui s'appelait Z contre Don Diego, qui était une parodie de Zorro. Et ils avaient mis Talon un petit peu en sommeil ces dernières années. Et puis l'éditeur se dit que ça pouvait couler avec mon univers. Donc il m'a proposé de reprendre le flambeau. Alors moi, j'ai accepté, évidemment, j'ai sauté. Moi qui étais un grand fan, grand lecteur de Talon dans mon adolescence, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit oui sans réfléchir et sans me poser de questions de poids, de pression, avec l'image comme ça de Greg par-dessus mon épaule. Greg. Peut être assez tétanisant. Formidable, Greg. Alors, il est moins connu que Goscinny, mais c'est quand même un très grand nom de la bande dessinée, comme dessinateur et scénariste, ce qui n'est pas le cas de Goscinny. En tout cas, il a dessiné un tout petit peu au début, mais enfin, il était surtout connu comme scénariste. On lui connaît les séries Luc Vaillant, c'était avec Eddie Pape, Bernard Prince et Comanche chez Herman, Bruno Brasil avec William Vance, Olivier Rameau, Dany, il a créé Les As, et puis donc, c'est Achille Talon qui nous intéresse cette nuit en votre compagnie. Fab Caro, alors, Dargo vous dit, il faut reprendre Achille Talon. Donc là, vous précipitez sur les 14 albums, les 14 tomes des intégrales, scénario et dessin de Greg. Vous lisez une trentaine de thèses de doctorat sur Achille Talon, j'imagine. Voilà, tout à fait. Je me suis plongé dans le... Non, mais en fait, j'ai pas eu besoin de trop... J'ai été un grand lecteur étant enfant, jusqu'à l'adolescence, donc évidemment je me suis replongé un petit peu dans les albums, mais pas tant que ça en fait. D'une part parce que, déjà j'étais pas mal imprégné de la culture Talon, puis en plus je voulais pas non plus être trop influencé trop concrètement par les expressions, par des tournures de phrases, par des automatismes. Donc j'ai pas voulu non plus trop m'y replonger, parce que l'idée c'était aussi de reprendre le personnage, mais essayer de le moderniser un petit peu. C'était un petit peu le cahier des charges au départ que demandait Dargo. Mais ça veut dire quoi, moderniser Achille Talon? Parce qu'il est, il reste Achille Talon, il est bavard, il se dispute avec son voisin Hilarion le Funeste. Oui, en fait, C'est plutôt moderniser le contexte, en fait, parce que moderniser Talon, c'est impossible. D'ailleurs, Talon moderne, ce ne serait plus Talon. Donc l'idée, c'était justement de pas toucher Talon, mais de le placer, lui, dans un contexte contemporain. Donc l'idée, c'était de reprendre le personnage, de prendre Talon et de le placer dans notre contexte d'aujourd'hui, quoi, de le frotter un petit peu aux nouvelles technologies, mais pas que, aussi, qu'il soit un petit peu confronté à l'évolution de la société, qu'il soit confronté à des... au thème de l'homosexualité, de choses que peut-être Greg n'aurait pas pu traiter à l'époque, je sais pas, enfin, ou peut-être ça l'intéressait pas. Il y a l'homosexualité dans Achille Talon a su rester simple, l'album chez Dargaud, ça m'a échappé alors. Non, ça c'est dans le premier. Pas de bêtises, dans le tome 1, ouais. Ah voilà. Avec c'est la gouvernante de Virgule de Guillemet qui Hécatombe. On apprend qu'elle... Voilà, c'est ça, Hécatombe. Achille Talon est un homme moderne. Et Achille Talon a su rester simple. Ça, c'est les deux tomes que vous avez donc scénarisés et puis que Serge Carrère a dessiné. Alors justement, vous dites moderniser. Est-ce que le dessinateur, donc Serge Carrère, il n'a pas eu l'idée de pas coller exactement au dessin de Greg? Alors c'est vrai qu'il a gardé sa patte, il a essayé de faire du Talon pas trop s'éloigner du style de Greg, mais tout en gardant sa patte. Donc je trouve que, bon après ça il faudrait lui demander, mais je trouve que dans les personnages secondaires on reconnaît bien le style Serge Carrère, puis pour Talon, le Funès, les personnages centraux de la série, évidemment il s'est un petit peu adapté au style de Greg, mais tout en gardant une patte, un petit peu plus moderne, ça veut rien dire, mais la patte Carrère, oui, on reconnaît un petit peu, on reconnaît son style, oui. Alors vous, évidemment, vous dites que vous n'avez pas relu peut-être tous les albums, vous n'avez pas voulu imiter ou pasticher ou parodier Achille Talon, coller trop à l'écriture de Greg, mais en même temps il y a une grande fidélité, et l'immense qualité de Greg c'est l'humour, bien entendu, et donc là on retrouve cette qualité. Heureusement, si Achille Talon était devenu un personnage ennuyeux, ça serait raté. Vous avez quand même choisi quoi ? Alors, il y a une histoire sans parole dans le deuxième tome, il y a des gags sur une page, il y a des gags sur deux pages, et puis c'est toujours un petit peu la même dramaturgie, enfin la dramaturgie que l'on trouvait chez Greg. Oui, c'est ça. C'était un petit peu ce procédé. Non, le mot est moche, mais voilà, c'est Talon qui se retrouve toujours décalé par rapport à certaines situations. Donc moi, j'ai fait un petit peu pareil. J'ai utilisé un petit peu la même chose, avec un contexte, comme on disait, un petit peu plus moderne. Alors il travaille à Polite, le journal, donc. Évidemment, c'est pas Pilote, mais c'est Polite. Il fait sa cour à Virgule de Guillemet. Il est aussi un peu mufle. Ouais. Avec elle. Un petit peu malgré lui. Enfin, moi, je sais pas comment on pourrait définir le cahier des charges autour du personnage, mais moi, je pense que c'est aussi un petit peu malgré lui. Je pense que c'est quelqu'un de. Enfin, moi, je le perçois comme quelqu'un de très maladroit, un personnage assez maladroit finalement, un petit peu lunaire. Alors que pour le coup, le funeste qui a plutôt une image de crétin un petit peu médiocre comme ça, ce serait plutôt la part rationnelle, qui a plus les pieds sur terre. Enfin, moi c'est ma perception des personnages, après je sais pas vraiment. Mais le vocabulaire est donc quand même inspiré, ou en tout cas Achille Talon 2015-2016 en l'occurrence, parle comme l'Achille Talon de 1963, puisque il parle comme le créateur, comme sa création en 1963. C'est paru le 7 novembre 1963 dans Pilote. Oh, oui, c'est ça. Le vocabulaire, c'est un vocabulaire quand même très très riche. C'est-à-dire qu'en effet, quand on est enfant, on lit et relit les bulles, parce que c'est vraiment d'une grande variété. C'est un discours peut-être stupide parfois, mais avec cet effet de comique joue ainsi, avec un vocabulaire très riche. Puis assez daté, enfin, qu'il n'était pas peut-être à l'époque, quoique, qu'il était déjà peut-être daté déjà à l'époque. Mais simplement, ce qui peut paraître daté, c'est qu'il n'est pas, enfin, qu'il est dans le bon sens du terme, Fab Caro, c'est simplement que Achille Talon parle correctement, il parle pas, il a des onomatopées, oui, il dit beauf, hop, de temps en temps, c'est sa marque de fabrique, mais sinon, à part ça, il a énormément de vocabulaire, et tous les autres personnages, que ce soit Vincent Pourcent, le commerçant, que ce soit Virgule de Guillemet, que ce soit même Hilarion le Funès, que ce soit la famille Talon, tous ces gens-là parlent comme on ne parlait pas à l'époque, comme on ne parlait pas dans la bande dessinée. Oui, c'est un personnage vraiment à part. Et alors par exemple, dites-nous comment vous le faites parler, cet Achille Talon, Fab Caro. Alors moi j'ai essayé de rester fidèle à l'esprit de Greg. J'avais toujours cette question permanente en tête, est-ce que Greg aurait validé en fait ? Chaque fois que je me lançais dans une bulle, il fallait que je reste proche du langage de Greg, tout en essayant de m'adapter aussi, de pas faire du Greg copier-coller en fait. Et paradoxalement, c'est moi qui me suis, j'allais dire, auto-censuré. Pas auto-censuré, mais voilà, toujours à l'esprit, cette question, c'était ma seule ligne de mire. Est-ce que Greg aurait validé ou est-ce que ça l'aurait fait sourire, est-ce que ça lui aurait plu? Donc c'était vraiment rester fidèle à l'esprit de Greg. C'était ça un petit peu en essayant de faire bouger un petit peu les lignes, évidemment, sinon ça n'a aucun intérêt de reprendre Talon en 2015, tout en faisant du copier-coller. Donc j'ai essayé d'y mettre un petit peu ma patte, enfin très légèrement, mais vraiment toujours en gardant l'esprit, cette fidélité à l'esprit de Greg. Alors c'est un compliment que je peux vous faire, mais on a l'impression que vous avez peut-être trouvé des gags inédits de Greg, parce qu'ils sont, que vous le vouliez ou non, vous êtes excessivement fidèle à Greg, et c'est ce qui réjouit le lecteur des albums de Greg. Ben je vous dis, j'ai peut-être pas tout lu de Talon, donc c'est vrai que des fois j'avais peur de tomber un petit peu sur des mêmes mécaniques, sur des mêmes schémas, mais... Disons que ça aide déjà de le placer dans notre monde contemporain, ne serait-ce que tous les gags autour d'Internet. Ça, je savais que déjà, je ne pouvais pas marcher sur le plate-bande de Greg. Oui, mais enfin, le téléphone existait, il y avait les mêmes... ce qui n'existait pas, c'était les SMS. Évidemment, ce qui n'existait pas, c'était ce que Greg n'aurait sans doute pas écrit, en tout cas pas dans Pilote pour un journal pour enfants. C'est à la page 39, quand Achille, dans son fauteuil, avec sa robe de chambre et sa tasse de thé, peut-être à côté de lui, écrit un SMS, envoie un SMS à virgule de guillemets, se trompe, et je dirais pas le mot qu'elle reçoit, finalement, à la place de bise, mais enfin, c'est... On peut l'imaginer. Ça vous amuse, alors justement, j'ai eu un petit... ça m'amuse. Ça m'amusait, moi, tout seul, sur mon bureau, à faire ça. Je fais ça, ça m'a fait rigoler. Je l'ai mailé à Dargaud en leur disant « Bon, ça, je fais ça, ça me fait rire, mais je crois pas que ça passe. Enfin, je pense pas que ça passera. » Et puis à Dargaud, ils m'ont dit « Bah si, c'est très bien, c'est très drôle, pourquoi se l'interdire ?» Mais je vous avoue que sur ce coup-là, j'ai une petite hésitation. Je me suis dit « Bon, est-ce que Greg cautionnerait ce... » Et puis je me suis... Non, je pense que ça pourrait passer. Alors, il faut dire que vous parliez vous-même, Fab Caro, tout à l'heure de mécanique. Et fatalement, il y a une mécanique dans le gag, qui soit sur une page ou sur deux pages, qui soit sur... peut-être même un petit peu plus long. Vous allez peut-être un jour faire des albums avec des aventures complètes de 40 et quelques pages, qui sait. La mécanique, c'est quand même la compréhension entre tel et tel personnage, le quiproquo qui soit verbal ou qui soit de situation, quand il va chercher un kebab avec le funeste, évidemment, tout est amusant. Il y a les surtitres aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on ne remarquait pas finalement dans les albums de Greg, ou qu'on pouvait remarquer après une dizaine de lectures, il y a des titres qui sont des espèces de jeux de mots absolument extravagants et gays. Vous aimez ça, vous aussi, Fab Caro? Ah oui, je me suis beaucoup amusé à faire ça aussi. Là, pareil, l'éditeur m'a dit « Est-ce que tu veux qu'on s'occupe de trouver les titres ou est-ce que tu veux t'en occuper ?» Et moi, je voulais absolument m'occuper des titres. J'adorais les titres chez Greg, qui étaient super alambiqués. C'était à la limite du surréalisme. Et donc, je me suis beaucoup amusé à essayer de trouver ces titres. Toujours à base de calembours ou de... Vous pourriez en citer un? Oh non, de tête, non, du tout. J'ai pas d'album sous les yeux, je pourrais pas vous en citer un de tête, je suis désolé. La tonte est longue. La tonte est longue, oui. C'est une histoire de jardin, bien entendu, de haies, puisqu'il faut dire que le funeste et Achille Talon sont voisins, c'est quasiment leur raison d'être, leur raison de se disputer. Donc là, c'est une histoire sans parole, où chacun essaye de mettre de la poudre aux yeux à l'autre, quoi, d'avoir le taille-haie le plus important, le tracteur le plus énorme, etc. Et ça se termine évidemment par une bagarre. Enfin, ça pourrait se terminer par une bagarre. Ça aussi, c'est une mécanique récurrente aussi dans l'histoire d'Achille Talon. C'est toujours cette rivalité entre... ils ont une relation très particulière en fait. Ils sont très amis, enfin moi je le perçois comme ça, ils sont très amis et en même temps ils peuvent pas rester plus d'un quart d'heure sans se taper dessus. Et toujours cette espèce de rivalité, de voisinage en fait. Dans l'histoire de la BD, je trouve que c'est un équilibre comme ça, c'est un duo héros-faire-valoir qui est super équilibré, je trouve. Je trouve qu'en général le faire-valoir prend un petit peu le pas sur le héros. Que ce soit chez Astérix ou Obélix, c'est beaucoup plus intéressant. Haddock est plus intéressant que Tintin. Ou même les Dalton sont plus intéressants que Lucky Luke, je trouve. Là, je trouve que vraiment le vrai héros, c'est Talon. Et le funeste sert bien, enfin, je trouve qu'il joue bien son rôle de faire-valoir. Il est là vraiment pour servir Talon, qui est vraiment le vrai héros. Donc, Hécatombe, Vincent Pourcent, Pétard, le canard ne réapparaît pas. dans cet album. Alors, le canard, si mes souvenirs sont bons, il apparaissait que dans les histoires longues. Il apparaissait pas dans les gags, je crois. Il est apparu déjà assez tard, disons en milieu de parcours. Mais je crois que c'était dans les récits, dans les histoires longues. Mais je crois pas qu'il apparaisse dans les gags, il me semble pas. Parce que les héros de bande dessinée ont souvent des animaux de compagnie. Et là, Achille Talon n'allait pas avoir un chien ou un chat. Il a un canard qui porte un béret basque. Il pourrait lui arriver des aventures chez vous, là, Fab Caro, non? Ce canard. Pourquoi pas? C'est vrai que moi, je suis resté assez proche du cahier des charges à ce niveau. Étant donné que c'était des gags, c'est vrai que je ne l'ai pas intégré. Mais pourquoi pas? Oui, ça pourrait ajouter un élément nouveau, un élément un petit peu perturbateur. Oui. Alors vous qui êtes scénariste, vous allez nous dire quels sont les héros de vos lectures d'enfance. Vous n'avez pas commencé à écrire des scénarios à l'âge de 5 ans et sans lire quoi que ce soit. Donc vous avez bien eu une enfance et vous avez bien eu des lectures d'enfance. Oui, oui. Bon, en fait, moi, je suis de 73, donc je vais vous citer un petit peu la trinité de ma génération. Moi, j'ai grandi avec Astérix, Tintin, Lucky Luke. Je crois que c'est un petit peu ce qui dominait. Non, il y avait énormément de choses, mais moi, quand j'étais enfant, c'était un petit peu ce qu'on lisait. Puis un petit peu plus tard, j'ai découvert Talon. Talon, c'est arrivé un petit peu après, c'est vrai, étant donné que c'est un petit peu plus littéraire, entre guillemets. Donc, il y a eu Talon, il y a eu Gaston, il y a eu Les Tuniques Bleues, voilà. Ça, c'était un petit peu. Puis un petit peu plus tard, avec l'âge, je suis passé à des lectures un petit peu plus subversives, enfin, avec des gros guillemets. Je suis passé à Gottlieb, plutôt cette école-là. Mais le tout début, c'est ça, ça a été. Voilà, ces lectures Astérix. Alors, ça, c'est les héros de bande dessinée, mais il y a des héros de romans que vous avez peut-être suivis, aimés, auxquels vous êtes peut-être identifié, Fab Caro. Héros de romans, ben ça, c'est venu peut-être un petit peu après. Peut-être pas pendant l'enfance. À l'enfance, je lisais des Stephen King quand j'étais. Je crois que ça a été mes toutes premières lectures de romans. Il n'y a pas vraiment de héros récurrents. Ouais, Henry Miller, Bukowski, Philippe Djian, ce genre de choses. J'aimais bien cette figure du loser, un petit peu bohème, un petit peu cette imagerie un petit peu romantique. Voilà, ça c'était mes premières références de lecteurs de romans. On est assez loin finalement de ce qu'on oui, a un petit peu loin de Talon. Proposé dans et d'une part de Talon et des héros qu'on a pu entendre ou dont on a pu entendre les aventures au cours de ces deux nuits spéciales héros et nuits d'enfance, parce que un bon petit diable ou le chaboté ou autre, c'est quand même on est quand même un petit peu loin de Stephen King, Djian et autres, oui, et Bukowski. Et donc alors, est-ce qu'il va y avoir d'autres Achille Talon? Alors je pense qu'on va partir sur un tome 3. Enfin là, j'attends le feu vert. Au moment où je vous parle, on n'a pas encore le feu vert. Je pense que l'éditeur attend le retour sur les ventes du tome 2. Mais a priori, on devrait partir sur un tome 3, oui. Ah, oui. Et il y aura Goscinny, évidemment, qui sera un héros dont on n'a pas parlé, mais qu'on voit apparaître dans... que Greg avait... créé comme héros de bande dessinée, il l'avait créé en somme. Dans les Achille Talon, ce petit personnage comme ça, enfin petit dans les dessins, qui n'était pas petit dans la réalité, mais et qui est le rédacteur en chef qui s'énerve assez facilement, on va dire. Oui. Ben, on s'est posé la question de savoir si... moi, je voulais à tout prix revenir dans cet univers un petit peu polite. Je voulais recaser le rédacteur chef Goscinny. Et on s'est posé la question de savoir si on reprenait Goscinny... de nos jours, est-ce que c'était valide de reprendre Goscinny en 2015? Et puis on se dit que oui, enfin moi j'étais attaché à cet univers. Moi, il y a un album de Talon qui m'avait marqué, c'était la vie secrète du journal Polite, avec toute cette équipe. Et moi ça me faisait rêver, on voyait passer les dessinateurs, on voyait passer Gottlieb, on voyait passer Goscinny. Vidal, Charlier. Oui, Vidal, voilà. Ouais. Et c'est cet album, je me rappelle, m'avait marqué, ça me faisait rêver en tant que moi qui voulais vivre de la BD. Cet album était très particulier dans la série des Talons, il était un petit peu à part. Et donc quand on s'est posé la question de savoir, voilà, moi je voulais vraiment placer le Goscinny de l'époque Polite. Voilà. Ouais, il y est et on s'amuse de le voir. Quand vous faites des signatures d'Achille Talon sur Rester Simple ou le premier tome, c'est des gens de 60 ans qui viennent vous les faire signer ou des enfants de 10 ans? Alors il y a un petit peu de tout, mais oui, c'est majoritairement des vieux lecteurs, des vieux au sens lecteurs historiques, on va dire. C'est ouais, on se posait la question de savoir si relancer la série, ça allait attirer un jeune lectorat. Alors c'est vrai qu'en dédicace, ça arrive que j'ai des enfants, des ados qui viennent prendre le livre, mais c'est vrai que globalement, c'est quand même le lecteur historique qui connaît bien l'univers et qui a envie de suivre les aventures de Talon. Et de parler comme... Parce que quand on était gamin, on parlait comme Achille Talon. On peut, dans les cours de récréation, se battre comme Zorro ou Thierry Lafronde, mais on peut aussi parler comme Achille Talon. Il y a une logorée amusante. Oui, quoi. Vrai, Bon, oui, Fab Caro, bah écoutez, on va donc resignaler les deux tomes, c'est-à-dire Achille Talon est un homme moderne, et puis Achille Talon a su rester simple. Au dessin, c'est Serge Carrère, et donc vous au scénario, Fab Caro, et c'est publié chez Dargaud.